Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Thomas Angelvi. Salut. Salut Thomas, comment tu vas? Très bien et toi Sofiane? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Ah ben, le plaisir est partagé, merci beaucoup. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, bah tu sais, on en a pas mal dans notre besace quand on a étudié tous les cafés théâtres. Les lieux un peu chaotiques, tu dois connaître ça aussi. Hein. Absolument, oui. Plus tu joues, plus tu as de chances d'avoir des galères. Plus tu joues tard aussi, tu sais, devant des gens bourrés, devant des gens un peu chelous. Non, j'ai deux, trois pépites à te raconter, ouais. Je t'écoute. Alors, mais toi, dis-moi, tu es originaire de Bordeaux, non? T'es pas vers là-bas, toi? Alors, j'habite dans les environs de Bordeaux, mais en fait, je suis originaire de Clermont-Ferrand à la base. Clermont, ah oui, rien à voir. Rien à voilà, voir. Voilà, mais... Je suis venu ici pour le boulot. Moi, je travaille dans les bus, dans l'équivalent de la RATP à Bordeaux, quoi. D'accord. Et donc, je fais de l'humour à côté. Mais ça fait quand même 11 ans que je suis bordelais. Donc, ouais. Voilà. OK. Parce que justement, la première fois, moi, c'était pas très loin, à La Rochelle, tu vois. Ah je sais oui, pas oui, si bien tu sûr. Connais notre ami Natchad, qui organisait un premier festival d'humour voilà, avec Gérald Dahan, tout ça, dans ce Boulevard coin-là. du Rire. Exactement, donc j'étais à la première édition. Et si tu veux, moi j'aime bien regarder le public, tu vois, je me cache derrière le rideau et je prépare des petites vannes, tu vois, au cas où ça parte en impro, etc. Bon. Et là, je vois un gars au premier rang qui a des lunettes de soleil. Mais tu le vois arriver ou pas le... Je commence à chercher 2-3 vannes, machin, etc. Et je me suis dit... Faut pas que non plus que tu ailles les deux pieds dans le plat. Imagine, il est aveugle, tu vois. Voilà, donc, c'est ce à quoi j'ai pensé. Et non, mais c'est pas si simple, Sofiane. Donc, je commence mon sketch, machin et tout. Et puis, il y a ce fameux moment d'impro où je dis, excusez-moi, monsieur. Alors, vous le voyez pas parce qu'il est de dos. Monsieur est au premier rang. Et est-ce que vous êtes aveugle? Et là, il me dit non. Donc là, je me dis, yes, boulevard. Boulevard, tu vois. Et là, je commence à dire, oh l'autre, il vient avec ses lunettes de soleil au premier rang, t'as cru qu'on était au Futuroscope, que c'était le cinéma 3D, machin. Donc, tu vois, je commence à avoir 2-3 rires. T'avais tous les feux au vert, quoi. J'avais tous les feux au vert. Et puis, il avait vraiment des fat lunettes, tu vois, le truc. Et là... Maître Gims, quoi. Maître Gims. Ouais, vraiment. Je me suis dit, oh, il se la pète, tu sais qu'on est dans le noir, personne te voit, nanana. Et là, il me dit... Non, mais c'est que j'ai une double tumeur cérébrale. Les lumières me font très mal à la tête. Oh mon Dieu! Et si tu veux, après cette phrase-là, dans la salle, il y a eu un. Oh ah oui, parce que là, c'est pire que d'être tombé sur un aveugle. Bah ouais, bah. Et du coup, bah là, Jean-Michel Réparti, j'ai fait. Bon allez, blague suivante. Tu t'en es sorti, ouais, enfin voilà, bah, t'as éludé le problème, t'es parti vite, quoi, ouais, je comprends. Ouais, ah, je comprends. Alors, juste une question, quand il t'a dit cette phrase, au bout de combien de secondes à peu près tu t'es mis à saigner du nez? Un quart d'heure. Et en fait, si tu veux, je fais, ah ouais, j'ai bafouillé vite fait et puis je suis passé à autre chose, tu vois. Et là, je crois que n'importe qui aurait eu la même réaction que toi. Parce que, c'est-à-dire, en plus, moi, quand tu as commencé à me raconter, je voyais de loin arriver l'aveugle, tu vois. Ouais, bah je oui. me suis dit, parce que c'est déjà arrivé à des gens, hein, c'est déjà arrivé à des humoristes, de dire, monsieur, s'il vous plaît, un peu de respect, vous enlevez vos lunettes, on est dans une salle. Et ouais, là, le mec fait, je suis malvoyant, tu vois. Ah, là, déjà, ouais, ça fait mal. Ça, c'est la suite. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Mais alors là, c'était encore plus haut. Et vraiment, je pense que n'importe lequel d'entre nous aurait fait comme toi, parce que tu as quand même pris des pincettes, tu vois. Tu as été en mode, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous êtes aveugle? Tu vois, tu as quand même, voilà. Non, mais c'est surtout que le gars te sort pas une tumeur cérébrale, mais une double. Ah, voilà, je savais même pas que ça existait. Le gars a la double. Et là, tu fais, c'est chaud. Bah, on lui souhaite un prompt rétablissement, le pauvre, parce que, waouh. Tu veux que je te dise, le truc, c'est qu'à la fin du spectacle, il est venu me voir. Et il m'a dit, non, mais je voulais pas du tout vous mettre dans l'embarras. Hyper sympa. Et en fait, limite, lui, ça l'a fait rire, en fait, que je le vanne. Parce qu'il m'a dit, bah justement, les gens n'osent pas me vanner parce qu'ils voient que je suis un peu différent, machin, etc. Tu vois. Et d'accord. Il m'a dit, au contraire, vannez-nous. Et au final, tu vois, je me dis, c'est quand même un truc cool. Parce que si lui, il avait été blessé, j'aurais raté mon coup. Il l'a pas été, tu vois. C'est plus moi qui ai été un peu déstabilisé et le public. Oui, je comprends. Et très souvent, c'est le cas. Tu vois, les personnes handicapées, les personnes, tu vois, qui ont une déficience, un truc comme ça, ils disent « Incluez-nous dans vos textes, Ah allez-y oui. ». Vraiment, au contraire, tu vois, ils veulent se sentir comme les autres. Ils veulent pas qu'on ait de la pitié pour eux ou quoi. Ils veulent qu'on les considère comme des êtres humains à part entière, ce qu'ils sont d'ailleurs. Et vraiment, le meilleur moyen de leur prouver, c'est de les vanner au même titre qu'on vannerait les C'est autres. ça. Bien sûr, ça veut pas dire non plus s'acharner, hein, c'est autre chose, hein. Ah Mais oui. l'inclure comme toi, tu l'as inclus, c'était parfait. Bah c'est ça, il m'avait dit justement, vanne-moi comme n'importe quelle autre personne. Et donc voilà, donc ça c'était en plus, ça faisait pas très très longtemps que j'étais monté sur scène, ça devait faire 1 ou 2 ans, tu vois. Donc t'as Ouais, pas donc tu le n'avais pas encore les bagage. armes. Ah, tu n'avais pas les armes pour ça, quoi. Voilà. Et deuxième gros moment sympa. Bah après, c'était au Beau-Saint-Martin, parce que j'ai joué un moment au théâtre Beau-Saint-Martin. Et c'est vrai que je jouais à 21h30. Et bon, bah, c'est souvent le début de l'apéro, ou fin, tu vois, c'est le moment où tu commences à partir en soirée. En plus, je me rappelle, à l'époque, je jouais le samedi soir. Je jouais le Ah oui, samedi ah soir. bah là, t'avais tout gagné, là. Et ouais. Et bah là, il y a des gens, ils ont vraiment pris mon spectacle pour un apéro dînatoire. C'est-à-dire que je parlais et j'entendais des pchit, des bruits de bouteilles qui s'ouvrent. Alors, et puis tu sais, alors tu relèves pas, tu l'entends une fois, tu relèves pas, t'entends une deuxième fois, troisième fois. J'avoue que quand t'entends chanter « Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres Le truc, c'est qu'il était plutôt en fond de salle, donc très compliqué, tu vois. Tu voyais juste moi des têtes se retourner, ». parce que derrière, on entendait des gling gling, enfin, les gars, ils se sont vraiment cru au VNB, tu vois. Ah ouais, il trinquait tout normal, quoi. Normal, c'est-à-dire que voilà, pour eux, bah, en même temps, t'as le mot café, t'as le mot théâtre, ils se sont dit, on peut boire un coup, tu sais, comme au café Oscar, comme n'importe où, n'importe quel lieu où tu peux boire et rire, sauf que là, non, c'est un théâtre quand même, tu vois. Ouais. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, ils ont commencé à être chauds, quoi, parce que c'était pas leur première bière, forcément, hein, ils étaient vraiment chauds, et Ouais, puis c'était des ça se vétérans, quoi. marrait. Ouais, voilà, c'est ça. Eux, c'était leur troisième mi-temps, mon spectacle. En plus, c'était bon délire parce qu'ils riaient, ils étaient participatifs, mais c'est devenu un peu trop, tu vois. À tel point que les autres, bah, tu vois, ça soufflait. Tu vois, quand t'entends ça, tu dis, c'est pas cool. Et j'ai été obligé d'intervenir. Et là, t'allumes la lumière, ce que je n'avais pas vu. Et en effet, là, t'avais des gars, ils faisaient. Moi, pour te donner un ordre d'idée, je fais 1m68. Ouais. C'était des gars d'1m90, hyper baraque, soit c'était des pompiers, soit des rugbyman, enfin voilà. Ah oui, d'accord. Et Moi, je suis j'imagine que le seul truc qui est sorti de ta bouche à ce moment-là, c'était bon appétit. C'est ça, mais tu rigoles, mais je suis allé les voir, je fais non, les gars, déjà, enfin, un peu de respect, moi je m'en fous, tu vois, on peut boire des coups avant, après le spectacle, mais pendant, il y en a qui sont venus passer un beau moment, ils veulent écouter, ils veulent passer un truc cool, allez pas leur pourrir leur moment, tu vois. Ouais, ou au moins, si vraiment tu peux pas t'empêcher de picoler, au moins fais-le discrètement. Ne trinque pas, ne fais pas des trucs Ah ouais, non, bruyants. mais ils s'en foutaient. Ça se trouve, c'était un Oh. enterrement de vie de garçon, je sais pas, tu vois, ils étaient là pour le délire. Ils étaient pas là pour ma personne, hein, clairement. Hein. Ils étaient là pour l'ambiance. Hein. Ah, Et j'avoue que puis. ouais, c'est pas ton fan club le plus efficace, j'avoue. Ah non, non, non. Et puis, bon, après, tu vois, ça s'est tassé, etc. J'aurais dit, les gars, enfin, tu vois, ils ont été plutôt cool, faites mollo, enfin, pour les autres, etc. Ou sinon, si vous en avez d'autres, bon, bah, à ce moment-là, on en distribue à tout le monde, quoi. Et puis, on boit tous, quoi. Mais voilà, moment un peu délicat, parce que c'est toujours compliqué, tu vois, de pas froisser certains, machin. Et puis, par contre, ce qui n'a pas été cool, c'est qu'ils nous ont laissé tous les cadavres de bière en fond de salle. Oh, pas cool Donc ça, pas ça, cool. pas cool. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'en fait, quand tu as une perturbation comme ça dans la salle et que tu vois les gens qui sont perturbés, parce que moi, je l'avais déjà dit dans un podcast, quand c'est moi qui suis dérangé, je fais abstraction, tu vois. Ouais. Mais quand je vois les gens qui commencent à se retourner et à être perturbés, là par contre, j'arrête le spectacle pour vraiment intervenir parce que je ne veux surtout pas que eux ratent le spectacle, tu vois. Bah oui, Mais puis ils ont payé. oui, et c'est la difficulté parce que tu veux calmer l'histoire, tu veux que l'ambiance redevienne paisible et adaptée à ton spectacle. Et en même temps, tu veux pas non plus refroidir l'ambiance. Donc c'est, tu vois, tu ménages la chèvre et le chou à ce moment-là, c'est un peu compliqué, quoi. C'est vrai qu'on ménage Et pas assez la chèvre et le chou. ben, franchement, des fois, je ne l'ai pas ménagé, hein, je te rassure. Et malheureusement, dans ces cas-là, tu sens une ambiance glaciale, tu sais. Ouais, mais t'es obligé de Ça passer refait. par là. Mais tu es obligé. Bah oui, après, c'est comme ça que tu apprends. Maintenant, j'ai plus des techniques un peu plus calmes. Mais tu sais, avant, genre, j'aurais pu arrêter le spectacle et faire s'il vous plaît, vous pouvez faire moins de bruit. Tu vois, juste ça. Alors que là, ça passe pas. Ce qu'il faut faire, c'est faire une blague, c'est les mettre dans le spectacle un peu, tu vois, un peu. Voilà. Et donc, toi, tu as été quand même bienveillant et ils ont finalement fait moins de bruit. Ouais, ils sont un peu calmés. Ouais, mais ils continuaient à rôter, mais en silencieux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis, non, je pense que les gens autour, ça sentait l'alcool. C'est... Enfin, compliqué, mais bon, et voilà. Et dans la même salle aussi, après, j'en aurais une autre. C'était plus un moment de solitude. Mais là, c'était compliqué. Je suis tombé sur un. Clairement, sur la jeunesse Front National. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est-à-dire que moi j'ai un sketch, je vais pas parler dire que ça parle de politique, mais je fais un parallèle avec des partis politiques. Donc je parle de tous, tu vois, des socialistes, de la droite, des républicains, et arrive le fameux moment FN, enfin maintenant RN, tu vois. Ouais. Et ben là, je te jure, j'ai en plus c'était des gamins, hein. C'était des gamins en école d'agriculture, je sais plus d'où ils venaient, je crois près de Saint-Étienne ou un truc comme ça. Et à partir du moment où j'ai dit Le Pen, ils se sont levés. Et ils ont dit, ouais, Marine Le Pen, présidente, Marine Le Pen, présidente. Oh. Mais ils étaient bourrés ou pas? Non, c'est ça le pire. Non. Ah ouais? Ah ouais. Et là, j'ai fait, wow. C'est plus un move de mec bourré, ça. Et non, même pas. Non, ils avaient 17 ans, il y avait leur prof. Et là, ils essayaient de tempérer et ça a été compliqué à gérer parce qu'ils étaient à fond, là. Ils étaient vraiment partis, là, en mode, ouais, vive Marine Le Pen, quoi. Oh là là là là. Et les autres spectateurs, ils devaient plus savoir où se mettre non plus. Ouais, alors c'est pareil parce que quand ça arrive à un moment comme ça, tu te demandes où on est, si on est sur de la blague, si on est sur du premier degré. Tu sais, tu essaies de jauger, tu regardes les gamins, tu dis ouais, là non, ils sont. Et, tu vois, ils ont envie de gueuler ça parce qu'ils y croient quoi. Donc on s'est dit non, les gars, je les ai calmés, je fais on n'est pas à un meeting. Là, on va redescendre, c'est des blagues. Enfin voilà. Ouais. Mais pas simple. Pas simple du tout. D'accord. Du tout, et après on est bon, j'ai enchaîné sur autre chose et ils sont descendus. Je pense que le prof il a dit bon, les gars, taisez-vous, machin. Mais moment de solitude, quoi. En fait, c'est des moments de flottement. Tu es pendant 2-3 secondes, tu es là, et tu fais, t'essayes de garder la face en fait, parce que du coup, tout le monde te regarde, et c'est un peu comme si tu étais le prof à ce moment-là, tu vois. Et que quand il se passe quelque chose dans ta salle, tout le monde regarde le prof, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. Quand tu avais un élève qui perturbait le cours et tout, tout le monde regardait le prof en mode « Allez, est-ce que tu vas réagir? Comment tu vas gérer ça ?» Et là, j'ai l'impression qu'il y a cette pression-là des spectateurs sur nous. Si tu ne sais pas gérer, en effet, tu peux perdre la salle à ce moment-là. Quoi. Mais le problème, c'est qu'un prof, lui, il peut dire à un élève « Tu sors. » Toi, tu ne peux pas. Il y en a qui le font. Hein. Oui, si vraiment ça va trop loin, tu vois, tu le sors et le public va t'applaudir. Mais là, tu vois, il faut aussi... Bah, c'est pareil, tu vois, il faut essayer de dire non, même les gars, chacun pense ce qu'il veut, mais là, c'est pas trop le lieu, tu vois. On est là pour rigoler, machin. Tu vois, c'est pas simple hein, de les calmer, des gamins de 17 ans en plus, tu vois. Ah ouais, tu veux garder le contrôle tout en gardant la sympathie du public, donc c'est pas facile. En même temps, c'est des gamins, donc si t'avais été un peu dur avec eux, ça aurait pu être mal pris, pas pour le côté Front National, mais pour le côté, oh, c'est quand même des jeunes, il aurait pu être plus cool avec eux et tout. Ah ouais. Donc j'avoue que là, ouais, tu marchais sur des œufs, quoi. Ah, c'était chaud. Ouais. Mais sinon, je crois que la pire, c'était, j'ai fait un festival étudiant en plein air. Tu sais comment c'est? La course EDEC, ça te dit quelque chose? J'ai fait ça à Roscoff en Bretagne. C'était drôle parce que la veille, il y avait Nino Arial qui était passé là-bas et on s'était envoyé des messages et il me dit, frère, c'est chaud. C'est chaud, prépare-toi 2-3 trucs, parce que là, t'es en plein air. Moi, je joue à 17h devant que des étudiants bourrés. C'est chaud. Et puis, quand je te parle de plein air, c'est qu'on est au bord de la mer. Hein, donc, on t'entend plus le... Plus, il y a le bruit de la mer et tout. Mais... Oh. Le bruit du vent que toi dans le micro, tu vois. Et donc, d'accord, ok. Je monte sur scène. Alors déjà, ils sont tous un peu dispatchés. Donc, tu vois, tu commences à taper dans le micro, tu vois. En disant, ouais, il va y avoir un sketch. Alors, tu vois, alors tout le monde se retourne. En mode, il faut écouter, il y a le comique, machin. Je commence 2-3 blagues. J'ai pas trop de rire. Tu sais, tu sens les petits moments. Tu dis, je dois faire 20 minutes et tout, c'est chaud. Et là, j'entends un gros à poil avec tout le monde derrière. À poil. Oh là là là. Un congrès de mecs bourrés, quoi. Oh là là là là. Et du coup, je fais, bon, ok. Alors, je faisais des blagues sur quoi. Je fais, bon, on va arrêter les blagues là-dessus. et j'ai réussi à retourner le truc en mon avantage où je fais, ouais, est-ce qu'il y en a qui font du rap? Alors forcément, tu vois, il y en avait deux, trois. Je fais, vas-y, bah toi, monte sur scène, toi, monte sur scène. Et mon gars, j'ai utilisé mes 20 minutes en arbitre de battle de rap. Et tu sais, nous, on aime bien poser un truc, un peu théâtre, un peu ouais, spectacle, ouais. Machin. Non, là, j'étais parti en animateur Club Med. C'était là, ma seule bouée de sauvetage, tu vois. C'est et là, tu peux seule. Pas parce que t'as cumulé toutes les difficultés. Le plein air, les étudiants bourrés, la mer à côté. Enfin, voilà, c'était impossible, quoi. Ouais, non, c'était un calvaire. Et c'est pour ça, après, j'ai dit plus jamais. Plus jamais je fais du plein air dans cette configuration-là. De toute façon, de manière générale, le plein air pour les humoristes, c'est du suicide. C'est dur, mais malheureusement, avec la situation actuelle, le plein air, je crois que c'est une des seules options qui nous reste. Malheureusement. Tu sens le désespoir dans ma voix quand je le dis. Ah oui. Mais je comprends et vraiment, je compatis pour cette anecdote de solitude. Ça a commencé en Vite Thomas et ça a terminé en Rap Contenders. Ah, c'est franchement, ça. Respect à toi. Respect à toi, t'as réussi à te recycler et à récupérer le public, donc vraiment respect. Franchement, t'as réussi là où beaucoup ont échoué. Bah écoute, tu sais, c'est l'instinct de survie. À un moment donné, t'es là et tu dis okay, comment on va sortir de là? Bah, de toute façon, c'est soit ça, soit tu renonces, tu poses le micro, tu pars et il faut pas faire ça parce que là, le job il est pas rempli, tu vois. Faut trouver un truc. Mais c'est ouais, truc absolument. Et après, tu veux que je te dise, parce que après, c'est le gros festival. Hein. Les gars, ils se mettent la gueule en vrac jusqu'à 6h du mat. Enfin, c'est le truc qu'ils attendent toute l'année, hein, les étudiants. Donc, tu vois, c'était le truc. C'était un festival de musique, plutôt. Même pas, non. Alors, ça s'appelle la course EDEC. C'est des étudiants qui font une espèce de course en bateau. Puis, il y en a juste qui viennent pour l'organiser. C'est vraiment... Il y avait un espèce de chapiteau avec, je sais pas, 2-3 000 personnes. Enfin, c'est vraiment le gros truc, tu vois. Vraiment, tu vois ça nulle part ailleurs, en fait. D'accord. Et après, c'était drôle parce que pendant, il y avait deux jours de festival. Donc, du coup, le deal, c'était ça, que nous, on profite un peu du lieu, de la mer, etc. Et je te jure, tous les étudiants, ils me croisaient, ils me disaient, beau gosse, l'arbitre, on refait quand la battle de rap? Quand tu veux, mon gars. J'étais là, ouais, c'est ça, ouais. Et oui, c'est cruel quand tu recroises des spectateurs après un bide ou après une situation compliquée. Franchement, je comprends totalement. Ça me rappelle une anecdote. Alors, je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est Ray Romano. Ouais. Son spectacle est sur Netflix. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est lui qui a raconté qu'il avait joué dans une croisière, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes et tout, genre, qui vont dans les croisières. Enfin, pas maintenant, évidemment, mais à l'époque, genre, tu sais, en gros, la croisière était gratuite. Tu étais un peu payé, peut-être, ou je sais pas. Et en gros, tu jouais pour les gens de la croisière. Sauf que, du coup, tu es coincé sur le bateau avec eux. Hey. Et lui, il a bidé total. Et à un moment, si tu veux, il marchait comme ça. Et il était dans un coin du bateau. Et il a vu quelqu'un, tu sais, il s'est un peu caché, en fait, parce qu'il y avait deux spectateurs qui parlaient de lui. Genre, ils ont dit, oh punaise, il était vraiment mauvais, hein, ou un truc comme ça. Et il les a entendus. Il a été obligé de passer. Quand il est passé et qu'il a croisé leur regard, il y a eu un moment de malaise. Mais je comprends totalement ce que t'as ressenti. Et c'est clair que c'est très, très compliqué de recroiser les gens une fois que t'as bidé. Parce que, tu sais, ils vont te faire un petit regard de compassion. Mais tu peux pas leur en vouloir parce qu'ils sont gentils. Ils voulaient pas. Enfin, tu vois, voilà, ils sont pas responsables de ce qui s'est passé. Toi, en même temps, t'as pas voulu non plus que ça se passe comme ça. Mais bon, voilà. Tu sais, le pire, c'est quand il y en a, ils veulent quand même te dire un mot. Tu sais, ils vont te dire à la fin du spectacle, mais... À côté de ça, tu travailles dans quoi? Et toi, quand c'est ton métier, tu dis, bah non, mais je fais rien d'autre. J'ai rien d'autre. Ah d'accord. Donc, tu arrives à te dégager un salaire. D'accord, tu n'es pas encore mort de faim. Ok. Ouais, c'est ça. Oh là là, ça fait tellement mal. Ou je sais plus. Moi, j'avais reçu. Tu m'as rappelé un truc. J'avais reçu une critique billet réduc. À l'époque, en mode ouais, c'est pas marrant et tout, je sais pas quoi. Enfin, la personne, elle avait pas aimé. Ouais. Mais en fait, ça fait partie d'une. Alors, je tiens à préciser, j'ai eu des critiques négatives comme tout le monde. Hein, mais il y a eu un moment où il y avait la même personne qui m'envoyait des critiques à chaque fois. Et les critiques, c'était toujours les mêmes. C'est quelqu'un qui m'aimait pas. En fait, je soupçonne la femme d'un ancien gérant de théâtre qui au début me kiffait et je sais pas pourquoi. Et après, elle s'est mise à me détester et je ne sais toujours pas pourquoi. Ah, et le mec en question m'a expliqué, parce que je crois qu'elle était un petit peu, tu vois, elle avait des petits soucis et tout. Le mec m'a expliqué, et je te jure, je ne déconne pas, le mec il m'a dit, fais pas attention, elle a un pet au casque. Ah. C'est quand même violent comme phrase. Hein. Et il m'a dit ça. Et donc, pendant un bon moment, elle me kiffait, je comprenais pas pourquoi, mais bon, bah moi je suis poli avec tout le monde, donc j'étais poli avec elle. Et d'un coup, c'est qu'elle s'est mise à me détester et elle s'est mise à pourrir mon billet réduc de mauvaises critiques. Et les critiques, c'était toujours le même style. Tu sais, c'était toujours une phrase, une phrase, une phrase, trois petits points et une petite phrase assassine à la fin, tu sais, pour une espèce de punchline, tu vois. Voilà. Et l'une d'entre elles, je me souviens, c'était en mode « Ouais, c'est pas drôle, je sais pas quoi, nanana. » Trois petits points, il ferait mieux de rester chauffeur de bus. Ah, j'en rigole aujourd'hui, ça me dérange pas du tout, tu vois, mais, ça me fait mais rire. En plus, faut le dire, parce que le truc, c'est que pour les humoristes, c'est rien de pire que de prendre des mauvaises critiques. Alors, on le sait, on peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que des fois, on préférerait limite avoir la mauvaise critique en face, tu vois, la sortie d'un spectacle ou plus tard en disant, bah voilà, ce que j'ai pas aimé, machin. Mais c'est vrai que quand ça se retrouve sur nos pages de spectacle, Mais ça reste, c'est quoi. dur, ça reste. Et puis nous, pour nous, le monde s'effondre, quoi. Bah, totalement. Toi, t'as réagi comment la première fois à ta première critique négative? Bah écoute, en fait, je l'ai longtemps attendu, si tu veux, parce que j'ai eu de la chance. Au début, j'avais beaucoup de bonnes critiques. Et Ouais. puis je me disais, c'est dingue, en fait je plais à tout le monde, quoi, vraiment. Et puis bon, bah tu sais, je me suis dit, en fait, bah voilà, quoi, hein, je suis la nouvelle star de l'humour en France. Et puis pas du tout, quoi, pas du tout, parce que j'en ai pris une mais vraiment hyper violente, hein. C'est-à-dire Mais que c'est juste que t'avais pas encore eu la chance de jouer devant Charlotte 59, tu vois, qui t'a c'est laissé une ça. critique. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ah non, non, et moi, elle m'a détruit, elle m'a mis humour pipi caca. Ah ouais. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de bonnes critiques. Ah, oh, ça m'énerve quand les gens remettent en cause les bonnes critiques. Ouais. Et puis, non, et puis tu voyais, tu sais, sur ta page Bien Réduc, tu étais à 98% de bravo, et ben paf, tu passes à 93% de bravo et Oh, c'est ça. 1% de bien et 3% de moyen. Enfin, du Oh, coup, ça. ouais, je Mais comprends. bon, ça fait partie du jeu. Et puis, enfin, voilà, regarde, nous, quand il y a un film qui sort, on regarde les critiques, c'est pas ce qui va nous empêcher non plus de le voir s'il y a deux, trois mauvaises critiques. Oui, il faut se faire son propre avis, tu vois. Ouais, il faut relativiser, et puis voilà, ça fait partie du jeu. Moi, j'ai été autant surpris par des films que tout le monde m'avait vendus en mode oh, c'est génial, c'est super. Genre, les critiques sont unanimes, je l'ai regardé, j'ai détesté. Et Ouais, quand tu autant que. survends un truc, c'est ça. Ben oui, et même dans l'autre sens. Il y a des gens qui disent oh non, non, ce film-là, il est pourri et tout. Je le regarde, j'ai kiffé. Ben Tu ouais. vois? Donc, il faut se faire son propre avis. Et je pense que le problème des critiques, parce que moi, ma première, je l'ai reçue. Je me rappelle encore où j'étais, pour te dire. J'attendais un pote au McDo, genre au McDo, dans un McDo de Paris. Je l'attendais comme ça. Et le temps qu'il arrive, j'ai reçu ça. Tu sais, je vois une nouvelle critique sur Billets Réduc. Je fonce pour la lire parce que j'en avais eu que des positives. Et là, je lis la critique. Et je commence à me dire, mais c'est pas possible, c'est quelqu'un qui n'a pas vu le spectacle. Tu sais, ouais, Ouais. c'est misogyne et tout, il n'y a pas de mise en scène. Bon, ça, c'était pas faux. Ouais. À l'époque, il y avait zéro mise en scène, c'était assez brouillon. Mais Ouais. le côté misogyne, non, je taquine beaucoup les femmes dans le spectacle, mais je les aime et je leur dis. Et d'ailleurs, c'est peut-être à cause de cette critique-là que j'ai un peu amélioré le passage parce que je me suis dit, oui, en effet, on pourrait penser que c'est misogyne. Alors que maintenant, Dieu merci, j'ai même rajouté une couche. Mais comme j'ai toujours cette crainte d'être pris pour un misogyne ou quoi, Dieu merci, je l'ai tellement poli le passage que il y a carrément un jour, j'ai joué dans les Vosges, il y avait carrément une féministe qui était venue voir le spectacle. Je dis pas ça comme ça, c'est elle qui s'est présentée comme ça, je veux dire. Elle est venue me voir à la fin, elle m'a dit je viens vous voir parce que je suis féministe à fond et j'ai adoré le passage sur les femmes, vraiment, je l'ai trouvé génial. Et Ah. je me suis dit, c'est la validation, quoi. Bah, bien Si même sûr. une femme super engagée dans le féminisme a apprécié le passage, j'étais content parce que mon but, c'est surtout pas de me mettre à dos quelqu'un. Mon but, c'est vraiment qu'on rigole tous ensemble. Tu vois, voilà. Bah oui. Et donc, je te dis, elle avait mis, ouais, c'est misogyne, ça manque de mise en scène. Et je me suis dit, peut-être c'est un coup de quelqu'un qui ne m'aime pas ou j'en sais rien, qui veut juste me nuire. Et après, j'ai vu marquer, par contre, j'ai beaucoup apprécié le magicien en première partie. Et là, je me suis rappelé qu'en effet, j'avais un magicien en première partie et que personne ne pouvait le savoir sauf quelqu'un qui était dans la salle. Donc j'ai dit, Ouais. OK, elle est légitime cette critique-là et ça m'a Mais fait mal. tu sais que aussi avoir de mauvaises critiques, enfin, il y a souvent une part de vrai aussi, tu vois. Ce passage-là a heurté la personne, ou si la personne n'a pas apprécié ton spectacle ou machin, bah ok, ça fait mal, mais tu dois te dire aussi, bah ouais, il va peut-être falloir que je change deux, trois trucs pour que justement ça change, tu vois. Oui, bien sûr, mais il faut se Et remettre en question. bah, c'est ça, le truc, c'est que c'est quand même pas mal d'en avoir des mauvaises de temps en temps, et puis ça nous fait aussi un peu redescendre, on va pas se mentir. Oui, c'est sûr. Et puis, de toute façon, très honnêtement, toi, t'es spectateur lambda, tu veux regarder un spectacle, tu vois, il y a zéro mauvaise critique, il n'y a que des critiques dithyrambiques. Il y a un loup. Franchement, il y a un loup, c'est suspect. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est pas logique, tu vois. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et par contre, moi, je pense le petit bémol, pourquoi est-ce que ces critiques-là nous font mal, tellement mal? C'est parce qu'en fait, les critiques positives, moi j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'un spectateur qui a adoré le spectacle ne va pas forcément mettre une critique, tu vois. Par contre, un spectateur qui n'a pas aimé ou qui a détesté mettra une critique à 100%, tu vois. Ouais. Bah, tu sais, j'avais fait des études de commerce et on nous avait dit quand il y a une personne qui apprécie le produit ou machin, il va en parler à deux personnes. Ouais. Si la personne a détesté ton produit, elle va en parler à sept personnes. Eh ben voilà, tu vois, tout s'explique. Donc, c'est ça. Et puis après, ce qui est dur aussi en tant qu'humoriste, c'est que bon, aujourd'hui, tout le monde note tout le monde. Tu vas noter ton boulanger, tu vas noter ton banquier, etc. Mais bon, tu vas noter soit des produits, soit des services. Nous, ce qui est un peu dur, c'est que souvent, bah, c'est qu'à 80%, c'est nous. Donc en fait, C'est tu vrai. vas noter nous. T'imagines si nous, on devait noter les autres gens comme ça, tu croises dans la rue et tu lui mets D'accord. un 1 sur 10. J'aurais bien aimé voir la note que tu aurais mis aux jeunes du FN, là. Ouais, bah, ou ceux qui boivent, ou ceux qui. Bah ouais, non, mais c'est ça. Mais je sais plus quel humoriste, je crois, qui disait, bah voilà, à la fin, moi, je vais vous noter en tant que public, parce que je sais que vous allez le faire en rentrant. Du coup, il notait, tu vois, il disait, bah toi, je te mets 2 sur 20, parce que bah, t'as ri 4 fois, t'étais un peu chiant. Mais tu Ah, vois, c'est c'est ça, génial. c'est aujourd'hui, tout le monde se note. Ouais, bah, tu sais, c'est un peu comme l'épisode, je sais pas si tu as regardé Black Mirror. Ouais, ah bah oui, bah voilà, oui, clairement. Y a un épisode, alors je me rappelle plus, attends, je crois que c'est avec Bryce Dallas, c'est une actrice qui s'appelle Bryce Dallas Howard, et Ouais. elle est dans un monde où carrément, toutes les notes comptent pour ta vie, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, mais c'est ce qui se passe en Chine en ce moment. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise note, tu ne peux pas accéder à certains lieux, ta photo va circuler pour pas qu'on te laisse rentrer ou pour te taper la honte, quoi, un truc comme ça. Si ta note ne remonte pas, tu ne pourras plus louer t'sais, un appartement ou je sais pas. Et c'était un épisode tout là-dessus. Moi, ça m'avait vraiment Ouais, secoué cet épisode-là. il est Et je me marquant, rends compte, ouais. mais je me rends compte que maintenant, on est de plus en plus dedans. Ah bah clairement, et de plus en plus, hein. De toute façon, aujourd'hui, tu tapes n'importe quoi Ouais. sur Google, les gens mettent des avis. Alors, moi, ce que j'aime bien, par contre, il y a une petite sécurité, même si, à mon avis, des fois, ça peut être un peu contourné, mais j'aime bien les sites qui mettent, tu sais, genre qu'ils ont vérifié le truc. C'est-à-dire que Ouais. la personne qui a mis une critique, c'est un achat vérifié, tu vois, par exemple. Voilà, parce Ouais. que sinon, n'importe qui peut se connecter et dire j'ai détesté le produit alors qu'il ne l'a pas acheté, tu vois. Bah oui, ça fait un peu comme nous, quand tu vois écrit vu avec billet réduit ou vu avec la Fnac, tu sais que la personne a pris son billet sur le site. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ça reste une petite sécurité, mais moi, je trouve, enfin, c'est dommage de devoir noter tout le monde comme ça. Moi, perso, je vais te dire vraiment, alors, si j'ai aimé, je note pour vraiment soutenir la personne, mais quand j'ai pas aimé, je laisse pas de note, en fait. Non, pas spécialement d'intérêt, tu vois. Voilà. Le C'est. seul jour où je l'ai fait, la seule fois de ma vie que j'ai laissé une note négative à quelqu'un, c'était au Maroc. C'était pour des jet skis. Tu sais, j'étais parti louer un jet ski. En fait, j'ai été voir la dame parce que le prix, c'était 15 minutes, 310 dirhams. Donc, ça fait 30 euros, tu vois. J'ai Ouais. demandé, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de baisser un peu le prix? Tu sais, parce que là-bas, tout se négocie, tu vois. J'ai demandé, tu vois, genre, est-ce qu'il n'y a pas moyen de baisser un peu? Elle m'a dit, non, non, 300, c'est 300. Tu sais, elle était inflexible là-dessus. J'ai dit, OK. J'ai dit à ce moment-là, est-ce qu'au lieu d'avoir 15, je peux avoir un peu plus? Elle me dit, allez, je te donne 20. Ah, écoute, je suis marocain jusqu'au bout. Je suis désolé. Hein. Ouais. Bon. T'as raison, ouais, c'est toujours On 5 minutes négocie. de prix. Bah, évidemment, évidemment. Écoute, tu sais, quand t'es marocain, quand t'es un enfant marocain, première chose qu'on t'apprend à faire, c'est marcher. Deuxième chose, c'est marchander. Voilà, c'est comme ça. C'est un héritage familial et je dois je dois le faire. Je dois Voilà, je avoir un dois le côté transmettre. marocain, moi. Je suis toujours en négo. J'adore vendre des trucs ou acheter des trucs sur le bon coin. Mais tu sais, juste même des fois, je négocie, mais j'achète pas. Ouais, juste pour garder la forme, tu sais. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, donc j'ai négocié, elle a accepté de me donner 20 minutes. Je monte sur le jet ski, je joue. Donc, tu sais, il y avait un mec en jet ski devant moi, donc qui travaillait avec elle. Genre, c'est lui que je devais suivre. Tu sais, c'est lui qui allait me dire quand c'était terminé. J'ai lancé le chrono. Enfin, j'avais un copain qui était sur la plage, qui était resté, parce que j'étais avec mes enfants, donc il est resté pour surveiller mes enfants, le temps que moi je monte. Je les ai fait monter avec moi, en fait, vite fait. Et puis après, à la fin, je leur ai dit, bon, bah, papa, maintenant, on va s'amuser. Donc, en gros, je leur ai filé 5-6 minutes chacun, histoire d'en avoir un peu pour moi aussi, tu vois. Ouais. Et donc, je prends le premier, je le fais un peu conduire et tout, machin, je le ramène, je prends le deuxième, pareil et tout. Je reviens à la plage après, enfin, donc, je reviens, pardon, dans la mer pour après, pour m'amuser. Je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate. Le mec me fait signe, genre, ça y est, c'est fini. Je retourne voir mon pote et je lui dis, on est à combien là? Il me fait, on est à 15. Et je fais, non, non, non, non, non, non, non. Je suis resté sur le jet ski. J'ai dit à l'autre gars, ah non, mais non, parce que, tu sais, je suis gentil. mais il ne faut pas m'arnaquer. Tu vois, ouais. C'est ça le truc, quoi. Voilà. Je vais voir le mec, je lui fais « Excuse-moi, la patronne m'a laissé 20 minutes. Là, on n'en est qu'à 15, je suis désolé. » Il me dit « Moi, je suis au courant de rien. » Tu vois, c'est une maligne quand même. Elle l'a pas prévenu, hein, tu ouais. vois. C'est parce qu'en fait, je pense qu'elle se disait « Si jamais je ne lui donne pas ses 20 minutes, il ne prendra pas le tour. » Et en effet, je pense que je ne l'aurais pas pris. Je suis quelqu'un de très fier. Donc, si la personne me parle mal, je dis « Ok, je vais le dire très poliment. Genre, merci, bonne journée, je ne vous dérange pas plus. » Au revoir. Et je m'en vais. Au revoir. J'ai trop aimé comment tu l'as fait. Parce que tu sais, c'est le au revoir de boulangère. Au revoir. Ah, ben, je peux te dire que j'ai dû passer pour un boulanger un paquet de fois. elle sort. En furie, hein, vraiment. Hein. Elle sort en furie. Laisse-le, descends du jet ski. Je lui dis non, tu vas pas m'arnaquer comme ça, quoi. Hein. Je te jure. Je dis non, tu vas pas m'arnaquer comme ça. J'ai dit, tu sais quoi, Sofiane, descends de ce jet ski. Non, je demanderai une Fiat Punto et un hélico, d'accord. Tu sais quoi, j'aurais accepté l'hélico, c'est pas un problème ça. Mais là, j'estime juste que tu m'as promis quelque chose. Tiens ta ouais. parole, tu vois. Ouais. C'est pas comme si on en était à 20 et que j'avais demandé, allez, une petite minute de plus. Non. On en était à 15. Donc, en gros, tu m'as vendu quelque chose que tu n'as pas assumé derrière. Et je lui ai dit non, moi, je lâche pas l'affaire. Je dis, il me reste 5 minutes, je te jure, je descends pas du jet ski. Et elle m'a dit au début, viens, descends, on va discuter et tout. Genre, et après, tu retourneras sur le jet ski. Je savais que si je me levais du jet ski, j'y retournerais plus. Tu vois ouais. Je savais. Donc, j'ai dit non. Et après, quand elle a vu que je lâchais rien, tout le monde commençait à s'amasser autour de nous. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, dans ces cas-là, je pète le scandale. Hein. Je m'en fous. Hein. Et donc là. Et dis-moi, attends, juste avant, t'avais payé ouais. avant ou après? J'avais payé avant. Ah, donc c'est bon, ok. Oui, tu pouvais même rester trois quarts d'heure sur ton jet ski. On est d'accord. Alors, après, voilà, je ne suis pas de mauvaise foi non plus. Non. Mais en gros, je ne prendrai pas une minute de moins que ce que tu me dois. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et comme j'avais payé avant, c'est ça qui l'arrangeait. Si j'avais payé après, elle m'aurait dit, bah vas-y, termine tes 20 minutes. Hein. Mais elle se disait, c'est bon, le cash, il est à moi. Donc ça y est. Mais non, moi je suis pas comme ça, tu vois, je me laisse pas faire. Donc du coup, j'ai dit et tout, et la meuf, elle a commencé à péter un câble, elle commence à engueuler l'autre. Du coup, le moniteur, tu vois, elle lui fait, vas-y, donne-lui ses 5 minutes, vas-y. Et du coup, je retourne en mer pour 5 minutes. Après, ce que j'ai fait, je te cache pas. Alors, c'est mon côté fierté et genre, tu m'as fait chier, je vais t'en donner pour ton argent, tu vois. C'est ouais. que quand le mec m'a rappelé, j'ai rajouté une ou deux minutes, tu vois, histoire de vraiment marquer le coup, tu vois, du style, vous vous êtes foutu de ma gueule, je vais me foutre de votre gueule aussi. C'est les une ou deux minutes de négo que tu as eues entre tes 15 et 20, donc tu les as récupérées. Ah non, je te rassure, on est parti à 5 minutes, j'ai pas compté les 5 minutes avant d'être reparti en jet ski, hein. Non, oh, hors sympa. De question, hein, ça c'est clair, non. Et donc après, j'ai fait traîner un petit peu, le mec il m'a dit « Oh, je t'ai fait des signes, j'ai sifflé, tu m'as pas vu ?» Je dis « Oh ben non, je t'ai pas vu !» Et donc après, j'y suis retourné, et là, il y a le mari de la meuf qui commence à venir me voir. « Ouais, là, il commence à gueuler comme ça, je dis « Hop, toi je te parle pas à toi, je parle à elle. » Et après, il me dit « Je suis son mari, qu'est-ce qu'il y a ?» et tout. Je dis « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Vous êtes des voleurs, tu vois. » Et là, je me suis dit, dans ma tête, je me disais « Mais vous allez prendre une critique tellement méchante de ma part. » Tu vois, de ma vie, je te jure Thomas, je te promets, de ma vie, je n'avais jamais laissé de critique négative. Ouais. Là, je me suis dit « Eux, ils la méritent parce que ce sont des voleurs. » Et je suis allé sur Google, d'ailleurs, on peut le trouver hein, si vous tapez « Jet Quad Évasion ». Donne un commentaire de Sophia. Ah, voilà, non mais vous tapez Jet Quad Évasion à Tamaris, donc Tamaris, vous verrez ma critique, j'ai mis une critique, j'ai détaillé le texte et tout, et j'ai tout expliqué, et il y a plein de gens, je l'ai mise aussi sur Facebook et tout, et il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant « Oui, moi aussi j'ai eu le même truc, et ce sont des voleurs, tu vois, donc j'étais content d'avoir laissé ma critique, tu vois. » On va créer un groupe Facebook de tous ceux à qui on avait promis 20 minutes, mais en fait ils en ont 15. Eh ben, franchement, alors je sais pas si les autres ont eu la même négociation que moi, mais en tout cas, le côté, tu sais, genre le côté, je sais pas moi, le jet tombe en rade d'essence à 10 minutes et on te donne pas 5 minutes de plus avec un autre jet ou quoi, voilà, c'est ce genre de truc là. Ou alors des gens à qui on a promis peut-être un prix plus bas et qui finalement se sont retrouvés à payer le prix fort, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, vraiment, moi je te dis, ça m'a rendu malade parce que si dès le départ elle m'avait dit, écoute, c'est 15 minutes, pas plus. Je te jure, soit j'aurais dit « Ok » et j'aurais fermé ma gueule, soit j'aurais dit « Au revoir » et je serais parti. C'est tout. Ouais. Mais tu vois, j'aime pas le côté carotte, tu sais, du style « Je te tends la carotte pour que tu acceptes » et après, au dernier moment, je te retire ça. Oh non, c'est pas comme ça. Mais je pense que là, elle a regretté d'avoir voulu jouer à l'imbécile avec moi, tu vois. Ouais, enfin, bref. En tout cas, je l'invite dans ma salle quand elle veut. Bah arrête, elle va te mettre une mauvaise critique. Ça t'en fera deux. C'est peut-être déjà fait, mais bon, je m'en fous. Ça se trouve, c'était elle qui trouvait trop misogyne. Mais c'est sûr, elle est revenue, tu sais, exprès. Ouais, j'avoue que ça sentait l'iode dans la critique, tu sais, ça sentait la mer. Elle a dit, ouais, il m'avait prévu une heure de rire, j'ai ri que 55 minutes. C'est oui, mort. Oui, bah écoute, je lui dois 5 minutes de plus, elle a qu'à écouter le podcast, ça ira très bien. En tout cas, merci beaucoup Thomas, c'était un vrai plaisir de te recevoir dans le podcast. Bah, je t'en prie, merci à toi. Ben avec grand, grand plaisir, vraiment, c'était un honneur. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Partout, Thomas Angelvie, A-N-G-E-L-V-Y, sur Insta, sur Facebook, sur TikTok, parce que maintenant, là, je suis en train de grimper sur TikTok. Mais voilà, un peu partout. Et puis, bah, Twitter, dès qu'on aura le droit. Ouais, Twitter, ouais. YouTube. Ouais, Twitter aussi, YouTube aussi. Je suis un peu moins actif, je vais pas te mentir. De toute façon, d'accord. En ce moment, on va pas se mentir, hein, on n'est pas hyper actif. Réellement actif en ce moment, ouais, voilà. Ah, c'est ça. Et puis, bah ouais, non, dès qu'on aura le droit de jouer, on espère pouvoir vite remonter sur scène. Absolument. Eh bien, écoute, je mettrai tous les liens, donc Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Pour ma part, c'est la même chose. Vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Bisous à tous, même à toi là-bas.